sais plus comment faire. Je peux me bander comme personne. Les yeux de peur qu'on m'abandonne. Et puis là pour les sentiments, fais sourd oreille au compliment. Je me sens seule là, allez, je m'épouse. Mon âme sœur, c'est mon bain de foule. C'est sacré cœur pour un bain de foule.